misogynie en herbe, de la délinquance, tu fumes ton merde. Putain de violence dans le verbe, ce qui t'obsède, le fric. Car on veut tout et tout de suite, quitte à finir une balle dans le crâne, à battu par un flic. Génie en herbe, de la délinquance, tu fumes ton split. Putain de violence urbaine, ce qui t'anime, le fric. Car on veut tout et tout de suite, quitte à finir froid la mort. Délinquance, je veux venir. Dans ma ville, on n'aime pas les flics. On préfère les spliffs, on n'aime pas la stup, la bac, ni les RG. Ma clique, c'est fuck de police, tagué sur les tombes. Cannibale urbain, on a pété les plombs, hey. Délinquant juvénile, tu connais le deal. Les gangsters traînent tard depuis tout petit dans le biz. Unique en Bene, et pequeño, c'est latino, la hyène, le corse, cappuccino. C'est des règlements de compte, des coups de crosse. Pour être le boss de Paname, la route est longue, mec. Y'a du sang sur nos banquettes, sur nos chèques. Viens pas dans mon bloc ou bois la béréka, hey. Arrête les combats comme Rocky bouge. T'es trop naze, t'es trop old school, t'es trop funky, boom. Nos vies trop longues comme un dimanche. Et demain c'est du sang sur les diamants. Génie en herbe, de la délinquance, tu fumes ton merde. Putain de violence dans le verbe, ce qui t'obsède, le fric. Car on veut tout et tout de suite, quitte à finir une balle dans le crâne, abattu par un flic. Génie en herbe, de la délinquance, tu fumes ton split. Putain de violence urbaine, ce qui t'anime, le fric. Car on veut tout et tout de suite, quitte à finir froid la mort. Et un con juvénile, et tout petit accro à l'argent. Fils dans les fesses, le clan en place dans mon ghetto négro. Nique ta mère, style sale, c'est ma chronique. La hyène, un microphone, un brolic. Le rap line qui synchronise. Tu rates du shit, des flics, du frité. Putain de hagra et du joueur tout de suite, fils. Top niveau et parade du crime, la délinquance, je fais mieux. VIP en enfer, sans la mort, la juvénile head. Un son qui tombe, full feu, paralyse la foule. Pour ceux, un 3-7, perruque en geste, marche ou crève. Pas les couilles de leur rêve, garde, on pousse dans la merde. Yeah, petit la mort qui te quête derrière une liasse de billets verts. J'ai trop la haine, j'pèse la mer patrie. Le bois la B9K, champigné ma ville. Du sang pour des pifs, du sang pour des pifs. Génie en herbe, de la délinquance, tu fumes ton merde. Putain de violence dans le verbe, ce qui t'obsède, le fric. Car on veut tout et tout de suite, quitte à finir une balle dans le crâne, abattu par un flic. Génie en herbe, de la délinquance, tu fumes ton split. Putain de violence urbaine, ce qui t'anime, le fric. Car on veut tout et tout de suite, quitte à finir froid la mort. Délinquance, je vais mieux.